Bonjour tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir, ce show de questions-réponses, tout à propos du Mac, de vos iPhones, du monde de Apple en fait. Donc on vient tout juste de terminer le podcast Mac Québec et là on est en ligne pour prendre les questions. Je suis en compagnie de Bernard. Bonjour Bernard. Bonsoir Alexis. Ça va bien? Bien, toi? Oui, merci. Et aussi en compagnie de Jean-François, qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien, Jeff? Passez une bonne semaine? Oui, très bien, merci. Excellent. À part les dernières heures. Normalement, le show est animé avec moi par Vincent, mais 2020 était fatigué, fait qu'il est allé se coucher. Je vais l'appeler comme ça, 2020, maintenant, à cause de la blague de Tintin, voilà. Je vais l'appeler Vin Vin, mais ça n'aurait pas passé. Il a trop l'air d'un Vietnamien. dans le chat, il y a déjà Benoît Mercier qui dit qu'il est fan numéro un d'Alexis. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas encore payé pour cette phrase. Donc, pour les gens qui se joignent à nous peut-être pour la première fois, dans le bas de l'interface vocal, vous avez à côté du bouton Send un petit bouton qui vous dit Ask a question, demander une question. Et à ce moment-là, nous, on va être en mesure de prendre cette question-là, la diffuser devant vos yeux ébahis grâce à la magie de la technologie et essayer d'y répondre. À date, on a un score, on est quand même pas mal. On trouve assez rapidement, on n'a pas eu trop de questions nébuleuses, là, du genre « mon ordinateur marche pas, pouvez-vous me dire ce qu'il y a? » Ça, c'est un peu dur, mais bon, mon ordinateur, quand j'appuie sur le bouton, la lumière s'allume, le power supply semble s'allumer, j'ai l'écran gris, mais j'ai pas le reste. Ça, on peut répondre à ce genre de choses-là. Donc, cette semaine, on a eu des questions. Messieurs, je ne sais pas si vous êtes sur le document. Moi, j'ai complètement oublié de l'ouvrir. Là. J'y suis. Vas-y, ouais. JF. Oui. Si on en a parlé dans l'autre. On a parlé dans le podcast, mais comme on est dans une autre émission. Oui, c'est vrai. On va en reparler. On va en reparler, oui, c'est vrai. Excusez-moi. On a eu cette semaine, la semaine passée, l'application Airport Utility version 6 qui est sortie. On voulait le mettre dans celle-là parce qu'elle est vraiment importante parce qu'on a aussi une toute nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Back to My Mac qui a été réintégrée au service, au Time Capsule, au Airport Extreme et les Airport Express. Maintenant, tout le monde sait que MobileMe s'achève en juin, je crois. Oui. Fait que ils ont réintégré le Back to My Mac, qui était une fonctionnalité du MobileMe qu'on payait avant. Mais ils l'ont réintégré maintenant avec l'iCloud. On a juste besoin en fait d'entrer notre compte, soit le compte Apple ID qui est associé à votre compte iCloud. Pour ma part, c'est un compte mi.com qui est associé à iCloud, donc c'est séparé. Et on le rentre dans la borne, dans le point d'accès. Et puis à ce moment-là, en fait, ça permet d'avoir accès à sa borne à distance. Donc, en autant qu'on ait activé une ou deux autres fonctionnalités, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on voulait en parler dans ce show-là aussi, parce qu'on a eu une question cette semaine sur Mac Entraide. C'est... Attendez un peu, parce que là, il y a du nouveau texte qui est apparu. Là. Oui, c'est ça. C'est Sylvain Duval sur Mac Québec Entraide. Il nous a demandé... c'est quoi le Back to My Mac? Back to My Mac, c'est comme si vous aviez in the cloud, dans les nuages, toute l'accessibilité de votre ordinateur. Mais il faut que vous ayez deux ordinateurs, pas un, deux. Il faut que les deux ordinateurs aient le même Apple ID pour votre iCloud installé dessus. Et ça va être comme quand vous allez ouvrir une fenêtre du Finder, à votre gauche, ça va être marqué, ben en français, je sais pas c'est quoi, là, mais en anglais, ça va être marqué Shared. Et vous allez voir l'autre ordinateur qui est associé à l'autre compte iCloud. À votre même compte iCloud. À votre même compte iCloud, non, excuse. C'est partagé en français. Voilà. Ouais, ah, c'est partagé. OK, merci. Fait que c'est ça. Fait que là, vous avez un disque dur qui est là. C'est comme si vous naviguez dans un dossier. Là, c'est juste un disque dur. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Là, c'est des dossiers. Juste ça. Fait que vous avez accès à votre autre ordinateur. Mettons que votre ordinateur principal est chez vous. Vous êtes sur la route. Hey, j'ai besoin d'un fichier, whatever. Vous allez chercher votre fichier. Il va se transférer comme sur Internet. Et ça fonctionne numéro un. Il y a possibilité aussi avec Back to My Mac de contrôler son ordinateur à la maison, par exemple. Donc, si on veut lancer un téléchargement ou... Moi, j'utilise cette fonctionnalité-là pour prendre possession de l'ordinateur à la maison. Puis comme ma blonde, en fait, de la vidéoconférence, elle n'est pas vraiment intéressée, elle n'a pas regardé comment ça fonctionnait. Ce que je fais habituellement, c'est que je prends le contrôle de l'ordinateur puis j'ouvre, en fait, iChat. Puis je pars une conversation vidéo. Fait que je la demande de mon ordinateur, je prends le contrôle de l'autre machine. Et puis à ce moment-là, je peux dire accepter. Puis là, j'apparais en gros sur l'écran de mon iMac à la maison. C'est comme ça que j'utilise ça, par exemple. Oui, mais il faut dire aussi que pour activer Back to My Mac, faut que vous alliez dans votre dossier préférence et que vous alliez dans le dossier partagé. Et là, vous devez mettre un crochet à l'écran partagé, le fichier partagé, ou aussi si vous voulez avoir accès à votre imprimante, vous pouvez le faire par là, mais il faut tout que ça soit coché, sinon le service ne fonctionne pas. Mm-hmm. Ça ne passe pas par les réseaux. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, votre ordinateur est configuré pour qu'il y ait du remote management, par exemple avec Remote Desktop de Apple, à ce moment-là, l'option Screen Sharing de Back to My Mac ne fonctionnera pas. Donc, à ce moment-là, c'est configuré d'une autre manière, c'est plus sécuritaire. C'est une façon de faire qui est plus corporative, plus commerciale, si on veut. Donc, mais oui, c'est important d'activer ça. Puis, en fait, c'est bien indiqué dans Lion, puisque vous avez des pastilles vertes qui vous disent c'est fonctionnel, tu peux te connecter, tout ça. Ouais. OK. On va passer à la prochaine question. On va faire languir M. Meller à sa question. On va passer les auditeurs avant. Ben voilà. Et voilà. On a aussi une autre question de Sylvain Duval aussi. Il faut dire aussi que avec la nouvelle version Airport Utilities, on a eu les nouvelles mises à jour de firmware, micro logiciel en français, des time capsules, des Airport Express, puis toutes ces choses-là, version 7.6.1. M. Duval a eu un problème avec quand il a fait la mise à jour, et je crois que c'est pas le seul. Je crois qu'il y a un problème dans la mise à jour qu'on a faite la semaine passée. C'est qu'ils ne sont pas tous reconnus. Mettons, quand vous faites une mise à jour de firmware, votre borne va se redémarrer automatiquement pour prendre en considération la nouvelle mise à jour qu'on lui a donnée. Mais lui, son problème, ça a été que quand ça a redémarré et les bornes n'étaient plus reconnues par l'Airport Utility. Fait que on a deux, trois personnes qu'on a posé des questions. Ils ont répondu à des questions plutôt. Et le meilleur moyen, c'est de faire un reset complet de l'appareil. Vous savez, en arrière de chaque appareil, il y a un petit bouton qui est marqué reset. Et ça efface complètement toutes les... vous laissez votre... mettons un crayon, prenez un crayon. Vous laissez votre crayon dessus 30 secondes environ. Et ça va commencer à flasher super vite. Fait que ça veut dire que la mémoire a été vidée. Fait qu'après, vous avez juste à refaire toute la reconfiguration de la Time Capsule ou du Airport Extreme. Ceux qui n'ont pas encore updaté à la nouvelle version, il serait bien de penser à garder une copie des configurations du routeur. Toujours se faire un backup des configurations du routeur avant, quelque part dans votre ordinateur, c'est toujours bien de le faire, parce que quand vous êtes obligé de faire justement un hard reset comme ça, vous allez être obligé de reconfigurer à la main tout votre routeur au complet. Donc, si vous aviez fait à l'avance un backup de ces configurations-là, tout ce que vous auriez pu faire à ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire une récupération de ces configurations-là. Donc, vous vous évitez de tout reconfigurer au complet. Moi, pour ma part, en fait, pour le reset, s'il y a un reset, comme tu l'as expliqué, là, c'est la bonne méthode de le faire, là, d'appuyer sur le bouton reset jusqu'à temps que ça flash. Mais des fois, en fait, il faut être un petit peu plus mesquin avec la borne. Et à Île sans fil, on utilisait une technique qui s'appelle le 30-30-30. Fait que tu fais un reset pendant effectivement 30 secondes. Au bout de 30 secondes, tu laisses ton crayon dans le trou reset, mais tu débranches la borne de l'électricité. Mm-hmm. Tu calcules un autre 30 secondes, tu rebranches la borne et tu fais un autre 30 secondes. Oui. Les gens qui ont fait un firmware DDWRT connaissent très, très bien cette méthode-là, parce que c'est la méthode justement pour bien implanter un firmware DDWRT dans un Link 6 WRT 54G. Voilà. Puis si avec ça, ça ne fonctionne pas, ben là, c'est parce qu'il y a carrément un problème avec la borne. Moi, j'envoie de temps en temps des AirPort Express. Il y en a une que j'ai vue dernièrement chez un client et la borne te dit qu'elle doit mettre son firmware à jour et tu as beau le faire de 56 manières différentes, de resetter, de faire tout ce que tu veux, la mise à jour ne se fait pas. Elle reste toujours à la version 7.4. La seule chose que j'ai pas essayé, c'est peut-être d'updater à 7.5 et après ça à 7.6, mais comme il le reconnaît à l'intérieur de la borne, je me dis qu'il devrait être en mesure de le faire. Fait que c'est un petit peu fatigant. On va passer à l'autre question qu'on a eue. Mm-hmm. De Normand Tremblay sur Mac-Québec Entraide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser du flash pour notre iPad 2? Bon, la question existentielle. Ouais, premièrement, Adobe a abandonné flash pour tout ce qui est mobile. Donc, que ce soit Android, iOS, name it, là, même Windows mobile, ça n'existera plus. Donc, pourquoi? Parce que justement, c'est pas une bonne technologie pour des mobiles. Donc, Adobe l'abandonne. Mais si vous voulez toujours accéder à des sites qui sont en flash, bien, vous avez deux produits. Il y en a plusieurs, mais on va en viser deux. Il y a le premier qui est peut-être un peu moins bon. Je vais le dire avant, puis on va donner le deuxième qui est peut-être meilleur. Le premier que j'ai essayé, c'est le navigateur iSwifter qui nous permet de rouler des sites en flash. C'est assez lent, pas toujours à point, un peu buggy. L'autre application, c'est un navigateur qui s'appelle Skyfire. Je ne sais pas si toi, Jean-François ou Alexis, vous l'avez essayé. Oui. Je l'ai téléchargé, je l'ai essayé sur un film ou deux, puis c'était vraiment pas probant. Là. Tu sais, ça avait l'air comme si on regardait une caméra, une webcam des années 90, là, où est-ce que tu avais une image à tous les 5 secondes. Là. C'était vraiment pas impressionnant. Mais faudrait peut-être expliquer aux gens comment ces logiciels font pour faire du flash vu que la plateforme ne supporte pas. Oui, voilà. Oui. Fait que le principe de ces applications-là, c'est que quand vous allez sur un site Internet, quand vous appuyez sur, mettons, le Play, le service est rendu et se transfère dans leur ordinateur, eux autres, à Skyfire et retransmis dans votre appareil. En HTML. En HTML5. Ah non, oui, c'est ça. Oui, en fait, HTML5, voilà. Que le fichier est retourné dans ton appareil. Fait que si, mettons, il y a beaucoup de monde qui utilise le logiciel Skyfire en même temps, leurs serveurs, eux autres, l'autre bord, ils doivent chauffer un coup. C'est limité, là, oui, c'est ça. C'est ça, ça prendrait des machines hyper puissantes pour tout gérer ça. Des fois, comme Alexis dit, des fois c'est saccadé, des fois ça fonctionne. Ça dépend peut-être des heures de pointe, mais ça fonctionne généralement bien. Là. Je m'en suis servi au début, je l'avais acheté. Puis je m'en sers presque plus. De toute façon, du flash, c'est comme genre désuet. Là. Fait que faudrait. À part de jouer des jeux en flash sur Facebook. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Puis. Il y a encore des sites un peu plus vieillots là, qui n'ont pas encore été mis à jour, mais De toute façon, la tendance s'en va vers le HTML5. Disons que ce n'est pas une tendance lourde à long terme d'aller vers le Flash. Donc, je ne brûlerai pas 5$, disons, pour acheter une application qui est souvent lente et buggée. Oui, c'est ça, parce que là, vu que maintenant Adobe a retiré Adobe de Flash de leur plateforme mobile, au début, c'était le fun. Quand ils ont sorti l'application, je pense, elle a 2 ans, Skyfire, c'était pas annoncé qu'Adobe retirait leur produit. Fait que, too bad, là, tu payais 5$ puis tu fais écouter tes vidéos. C'était en fait même un des points de vente de toutes les autres tablettes. Genre, achète ma tablette parce que moi, Flash fonctionne dessus. Mais l'histoire nous a montré que le monde s'en sac. Exactement. Puis ça ne jouait pas si vite que ça non plus. Non, c'est ça. Sur les autres tablettes. Là. Non, c'est ça. Steve Jobs est venu et il a dit, écoute, on a travaillé avec eux autres. On leur a demandé de nous montrer quelque chose qui marchait. Ils ne l'ont pas fait. Il n'y a pas de Flash sur ma tablette. C'est tout. Il n'en met pas de crap sur ses affaires. Il ne faisait pas. Fait que... Voilà. Une autre question de Régent Ouellet sur Mac Québec Entraide. Est-il possible de récupérer des images, courriels, fichiers jetés à la poubelle? Si oui, comment? J'imagine jeter la poubelle et qu'on a vidé la poubelle. J'imagine que c'est ça que M. Ouellet voulait dire. Ouais. Donc, solution, bien sûr, le fameux logiciel Data Rescue. Il y a plusieurs logiciels de récupération de données qui existent sur le marché. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on efface une information de son disque dur, elle n'est pas effacée du disque dur. L'ordinateur ne gaspille pas de l'énergie à aller effacer l'information. Ce qu'il fait, c'est qu'il rend disponible l'espace physique que cette information-là prend sur le disque dur à sauvegarder une autre information qui irait par-dessus. Donc, à ce moment-là, théoriquement, tant que le disque dur n'a pas réécrit sur cette portion-là du disque dur, cette information-là, elle est récupérable. Ce qui fait que la première chose à faire lorsque on se rend compte qu'on a effacé un document, que ce document-là est important, qu'on a vidé la corbeille, l'important, c'est pas de continuer à aller sur Internet. T'arrêtes. Tu fermes l'ordinateur, tu fais quelque chose. Tu t'enlèves tes mains complètement. Tu touches voilà. Plus. Et évidemment, en fait, ben quand on dit d'autres informations qui prennent la place du document que vous voudriez, c'est pas le moment non plus d'aller acheter Data Rescue, de revenir à la maison, de le mettre dans le lecteur CD et de faire l'installation de Data Rescue parce qu'il pourrait s'installer où? Sur le document que vous voulez récupérer. Bon. Donc, c'est important de le faire sur une partition externe, par exemple un disque dur FireWire ou que peut-être l'ordinateur d'un ami ou, à la limite, les services Mac Québec. Vous arrêtez ou ta clé de USB d'urgence que tu as créée avec Lion. À l'aide du podcast Mac Québec et avec les outils de Apple. Donc, une fois, en fait, que puis ces logiciels-là, en fait, prennent beaucoup, beaucoup de temps à rouler sur un ordinateur. Là. Ça peut prendre jusqu'à 24 heures à faire un scan d'une machine. Puis là, ben, on lui dit l'information que je veux récupérer, c'est ça, ça et ça. C'est très, très rare. Souvent, en fait, Data Rescue va être utilisé quand un disque dur est planté complètement. C'est très, très rare qu'il peut récupérer l'ensemble des données parce que au plantage, il y a probablement quelque chose qui s'est passé puis il y a des données qui sont corrompus. Donc, mais si on a jeté un document, Data Rescue peut faire la job. Et il y a aussi des logiciels, en fait, si vous êtes du genre à jeter des documents comme ça, bien, l'installation du logiciel en prévention de ce genre d'action-là est peut-être une bonne chose. C'est-à-dire que si Data Rescue est installé avant qu'on fasse la gaffe, ben là, tu sais, on peut le rouler là, une fois qu'on a jeté le document. Donc, on se rend compte qu'on a jeté le document, puis là, ben, oups, on ouvre Data Rescue, on le démarre, puis là, il va faire un scan du disque dur. Et on dit dans le chat, Time Machine est plus rapide, mais si, mettons, la personne, elle vient faire le document la journée même, mettons qu'elle fait un backup une fois par jour, elle vient de faire le document, puis elle l'a jeté par mégarde. Même si on a programmé un time machine, malheureusement, le document, il ne fait pas partie d'aucun backup. Donc, dans ces cas-là, c'est sûr qu'on ne pourra pas le récupérer à moins d'utiliser Data Rescue. L'autre chose, c'est qu'il faut l'avoir activé, Time Machine, donc soit sur un disque dur externe, soit sur un Time Capsule ou un Network Array System. Mais si on ne l'a pas fait, puis il y a de moins en moins de gens qui ne font pas leur backup, surtout sur Mac, parce que c'est très facile, mais il y en a encore, c'est encore la majorité qui le font pas. Faudrait vérifier sur Internet combien de personnes sur Mac, il y a une statistique quelque part là-dessus, c'est impossible. Combien de personnes utilisent le Time Machine sur un Mac? Combien de pourcentage de personnes utilisent? Fait que j'aimerais bien savoir ça, si le monde font encore de plus en plus de backup. D'après moi, non, là. Non, c'est une minorité encore. Ouais, c'est très peu. Là, C'est vrai, sauf que quand j'étais encore au magasin à vendre des ordinateurs, quand le Time Capsule est sorti et qu'on a commencé à en parler aux clients, c'est un des produits qui se vendait étonnamment bien, considérant le prix de l'appareil. Les gens viennent déjà d'acheter, souvent ils l'achetaient avec l'ordinateur. Et puis, considérant le prix de, je pense que c'était... c'est quand même 300$, là, tu sais. Puis les premiers Time Capsule, c'était 500 gigs qu'il y avait dedans ou quelque chose comme ça. Fait que 300$ pour 500 gigs, il y a 4 ans. Oh, non. 300$, c'est la version présentement. La 500 gigs que moi, je l'ai eu, j'ai acheté quand la Time Capsule est sortie, la première. J'ai payé, je pense, j'avais payé 650 avec les taxes, là, pour 500 gigs. Ah ouais? Ouais, ouais, elle était très chère au début. Je pense qu'elle était 499 ou 599, là. Faut voir. Mais non, le prix d'entrée était vraiment très cher, sauf que à un moment donné, on commençait à descendre les prix, à mettre des disques durs un petit peu plus intéressants. Et puis, on en vendait beaucoup. L'acheteur était très étonné, en fait, du nombre de Time Capsule qu'on vendait. Donc, il y a du monde que, quand on leur en parlait, ils étaient touchés par ça. Mais il y a du monde qui ne voit pas nécessairement l'intérêt jusqu'à temps que le problème arrive. C'est comme moi tantôt avec mon disque dur qui a planté. Fait que je suis bien content d'en avoir une. Voilà. On a une question auquel on dit au début du show qu'on a répondu à peu près toutes les questions. Pour ma part, j'ai pas réellement de réponse pour ça, mais faut dire que c'est pas nécessairement une question Mac. C'est plus une question Windows en fait. Mais ça dépend. Ça dépend. Tu parles de la question sur Bootcamp. Oui, comment récupérer une partition Bootcamp? L'utilitaire de disque me donne une erreur impossible de. Puis là, on n'a pas le reste du. Impossible de modifier la carte de partition car la vérification du système de fichiers a échoué. OK. La carte de partition. Bien, ce que je pense, c'est que faudrait que je vérifie, mais la partition Time Machine, la partition Time Machine, ce qu'elle fait, c'est elle est en NTFS probablement, ou en fait en FAT32 ou en NTFS, et j'ai comme l'impression que Disk Utilities n'est pas capable de passer à travers ça. En fait, il donne une erreur parce que bon, il le voit pas. Pas capable de changer. Oui, c'est un NTFS qu'on nous dit dans le chat. La suite de l'erreur, impossible de modifier la carte de partition. Bon, si on a essayé de tenter une réparation du disque, comme le Disk Utilities peut l'offrir, c'est fait pour les disques Apple. C'est pas fait pour les disques sur lesquels Windows est installé. Là. C'est pas fait pour faire une réparation miracle de Windows. Mais qu'est-ce qui a créé, en fait, c'est quoi le premier problème qui fait que vous avez décidé de passer Disk Utilities? Est-ce que, bon, simplement, vous étiez plus capable de booter sur la partition de Windows XP? Est-ce que quand vous le faisiez, ça marchait tout croche? C'est plus ça. Le premier problème, c'est pas le fait que Disk Utilities ne voit pas la carte de partition. C'est plus que peut-être le Windows ne s'ouvrait plus. Tout simplement. Là. Donc, à ce moment-là, ben ça peut être un problème bootcamp, mais ça peut être souvent un problème Windows. Là. Peut-être qu'on a mis un fichier trop gros aussi à l'intérieur. Mais Est-ce que faudrait savoir est-ce qu'on a accès à la partition Boltcamp directement par le Mac? Est-ce qu'on a toujours accès à ces fichiers-là? Si oui, je recommanderais d'abord de faire une copie backup avec le logiciel gratuit qui s'appelle WinClone, qui nous permet de faire une archive, un ghost finalement qu'on appelle, de cette partition-là. Et je serais tenté de dire de repartitionner le disque pour corriger le tout puis réinstaller Windows par la suite. En fait, il nous donne des explications dans le chat et ce qu'il veut, c'est récupérer. Il veut s'en débarrasser, en fait, de son... De sa partition Boltcamp pour récupérer l'espace. Donc, ça se fait à partir de l'utilitaire Boltcamp. Exactement. On prend l'utilitaire Boltcamp puis on récupère la partition. Il y a un autre produit qui s'appelle CamTune aussi. CamTune nous permet de repartitionner notre disque dur sans devoir reformater le disque. Ah, intéressant. Oui. Ah, ça s'appelle. C'est Paragon qui fait ça, oui, la même compagnie. CamTune, que ça s'appelle. C'est en version 9.5, fait que ça fait un petit bout de temps que ça roule, là, mais ça semble être un bon outil. C'est combien? C'est 20 $. C'est 20 $, oui. Voilà. Donc, voilà. Mais WinClone, si vous voulez vous garder un backup à tout le moins, ça pourrait être utile, même si vous voulez vous débarrasser de votre Windows. faites quand même un backup de ce que vous aviez. Peut-être que vous aviez dit, un truc dedans, puis il ne fallait pas que je l'efface, mais il ne sera pas trop tard si vous avez gardé ce backup-là. Ça va quand même assez rapidement avec WinClone faire un backup de cette partition-là. Et vous pouvez simplement le restaurer toujours avec le même logiciel par la suite. Donc, c'est un outil qui est gratuit, qui est super simple d'utilisation. Donc, je recommanderais ça. Puis, si vous voulez en fait virer Windows puis faire rouler juste quelques logiciels Windows, il y a toujours des logiciels de virtualisation comme Wine, comme WinOnix aussi, qui est 5 $ dans le Mac App Store, qui permettent de rouler des logiciels Windows sans avoir besoin du Windows. Donc, ça vous permet d'économiser sur des partitions, puis sur une installation, un achat de licence également. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a la question de mparis1976 sur Twitter. Il nous demande, je dois changer une batterie de mon MacBook Pro, 139 $ chez Apple, je trouve ça cher. Est-ce qu'il y a une autre source où est-ce que je pourrais me procurer une batterie? On a déjà répondu à ce monsieur, on a regardé ensemble et chez iFixit, il y a des batteries pour les tout derniers modèles de MacBook qu'on peut acheter. Je pense que ça va être autour d'une centaine de dollars, mais en calculant le shipping puis tout ça, les frais de transport, il est possible que ça revienne aussi cher que d'acheter la batterie. Sinon, il y a possibilité de trouver des batteries de remplacement sur eBay, mais au niveau de la qualité, au niveau de l'état dans lequel ça va arriver, au niveau de la qualité des cellules qu'on va avoir à l'intérieur, tout ça. Donc, c'est pas évident que c'est un achat qui est intéressant. Mm-hmm. Il y a OWC, bien sûr, MacSales, le site qu'on peut commander. Généralement, ils ont des bonnes pièces pour Apple. Mm-hmm. Moi, je me demandais si on utilise... Si on n'utilise pas une officielle d'Apple, si Apple n'invalide pas la garantie ou le Apple Care, si on rapporte, si on a un problème avec notre appareil puis qu'il découvre que c'est causé par une batterie qui n'était pas de Apple. D'abord, il faut savoir que pour avoir envie de changer la batterie, pour monsieur, madame, tout le monde, il faut que la batterie soit complètement vidée. Or, pour que la batterie soit complètement vidée sur les modèles de ce qu'on appelle les ordinateurs unibody, donc à peu près tous les Mac portables depuis 2009 son unibody. Et la pile qu'ils ont mis à l'intérieur est une pile lithium polymère, plutôt qu'une technologie de batterie lithium-ion. Cette batterie-là a comme avantage de pouvoir durer beaucoup plus longtemps que des batteries lithium-ion ordinaires. C'est-à-dire que le lithium-ion que vous avez dans un laptop Toshiba standard, c'est une batterie qui va durer autour de 300 cycles de recharge avant de vraiment commencer à perdre sa capacité à retenir l'électricité, puis le donner avait en distillant l'électricité. La batterie lithium polymère, Apple prétend que c'est capable de faire 1000 recharges. Et les gens, en fait, qui utilisent beaucoup leur ordinateur, effectivement, au bout de 1000 recharges de la batterie, on est encore au-dessus de 85% de la charge utile qu'il y a sur ces appareils-là. Donc, si on calcule qu'on recharge l'ordinateur peut-être une fois par jour et qu'on calcule que pour passer 900 jours ou 1000 recharges, on fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans, il va falloir parier que l'ordinateur ne sera plus sous garantie quand on va avoir envie de changer la batterie. Mais moi, j'ai une petite anecdote concernant ça. Au niveau de la charge de la batterie, justement, j'avais pas le nombre de cycles. Moi, ma batterie se déchargeait à vue d'œil. Ouais. Ça m'est arrivé deux fois avec le même portable. La batterie se déchargeait à vue d'œil et le nombre de cycles, là, c'était minuscule. Parle d'une vingtaine de cycles. Là. C'était vraiment, vraiment mineur. Et c'était pas normal. Non. Alors, tu amènes ton ordinateur au Genius Bar d'un Apple Store et eux regardent ça, puis c'est à la discrétion du technicien avec qui tu vas faire affaire. Mais bien souvent, ils vont te donner une batterie flambant neuve gratuitement, même si ton appareil est hors garantie. Ça m'est arrivé, moi. Ça dépend, en fait. Ils ont des nouvelles normes au niveau des batteries. Là, ils bootent sur un petit disque externe, puis tu as un utilitaire qu'ils ont. Ouais. Évidemment que même si l'utilitaire, tu sais, tu sais, s'il te montre puis tu es en plein milieu, là, c'est un petit peu spécial, là, c'est comme une grille. Puis là, ben, si ton ordinateur, tu sais, t'as comme la grille est séparée en quatre. Fait que là, tu as un gros morceau qui est vert. Ça dit, ben, c'est respectable que la batterie soit là-dedans. Tu as un morceau qui est rouge et qui dit, ben, tu es en dessous du nombre de cycles de recharge, et ta batterie, en fait, retient un montant complètement ridicule de milliampères. Ben, à ce moment-là, ils vont te la changer, c'est officiel. Ouais. C'est ça qui est arrivé dans mon cas. Voilà. Donc, tu sais, ils regardent le logiciel, ça dit « change la batterie », ils changent la batterie. Pour avoir une idée, en fait, des cycles que vous avez, du nombre de cycles de votre batterie, ce que je peux vous inviter à faire, c'est évidemment dans les ordinateurs qui sont portables, ce serait d'aller dans la pomme à propos de ce Mac et de cliquer sur le bouton « More Info ». Et le bouton « More Info » va vous amener en fait à un logiciel plus complet qui est le « System Profiler ». Et le « System Profiler », vous avez une colonne à gauche qui vous donne tous les composants de votre ordinateur. Et à droite, quand on clique sur un de ces composants-là, on nous donne plus de détails. Donc, vous allez dans la rubrique « Power » ou « Énergie », j'imagine, en français, ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Et, alimentation. Alimentation, voilà. Et là, vous allez avoir le nombre de charges. Est-ce que la batterie est chargée au complet? Est-ce qu'elle est en train de charger? La charge complète en termes de milliampères, c'est quoi? La charge que vous avez actuellement, c'est quoi? Le nombre de cycles, la condition de la batterie, tout ça. L'ampérage et le voltage de la batterie. Donc, c'est assez intéressant. C'est des statistiques qui sont assez cool à regarder. Puis, comme Bernard le disait, si on pense qu'on est très près on est très près d'avoir une problématique avec une batterie quand on se présente au Apple Store, ils vont regarder. Puis, même si vous êtes un petit peu dans le vert, là, si vous commencez à rapprocher trop de la zone de la zone rouge, ils vont vous la changer, la batterie. Oui. Puis moi, c'était vraiment hors garantie de plusieurs années, il faut le dire. Ah, mais justement, quand on regarde dans les informations, là, j'ai mon portable à côté de moi, je regarde, Ce qui est intéressant, c'est que le fabricant de ma dernière batterie, qui est excellente, cette batterie-là, vraiment, elle tient le coup, là, c'est SMP, le fabricant. Mon autre batterie et mes autres batteries avant, les deux autres batteries avec lesquelles j'avais des problèmes, c'était des batteries de Sony. Et Sony a eu beaucoup de problèmes dans le passé avec ces batteries. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, ils ont découvert que vraiment Sony avait un sérieux problème avec ce modèle de batterie-là et que c'est automatique qu'il y avait une règle maison chez Apple de virer toutes ces batteries-là puis de remplacer par une SMP. Sans frais. On a perdu JF. Je ne sais pas s'il a planté ou quoi que ce soit. Est-ce que tu es encore là en son, JF? Peut-être son disque dur a encore lâché. Oui, peut-être que le disque dur de JF a des plus gros problèmes. Pour notre part, en fait, c'est toutes les questions qu'on avait cette semaine. Peut-être qu'on peut parler de notre concours. Tu es au courant qu'on avait un concours, Bernard? Ben oui. Est-ce qu'on a des avancements sur ce concours-là? Le e-concours. Le e-concours, ben non, en fait, on n'a pas d'avancement parce qu'on a enregistré deux émissions. On a parlé du concours et la problématique qu'on a eue, c'est que on a eu des problèmes techniques. Ben, le problème technique, c'est que j'ai pas enregistré le show. Fait qu'on n'a pas diffusé le show. Là, on est deux à enregistrer le show, donc le concours va être officiel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner encore un mois. Et donc, le concours, qu'est-ce que c'est? C'est pour gagner une carte de 30 $ d'achat à la coop informatique de l'UQAM située sur Sainte-Catherine. Et de la manière qu'on va faire tirer, c'est qu'on va demander aux auditeurs de nous envoyer anonymement. Pas anonymement, mais c'est-à-dire directement à concours@macquebec.com, avec un S, @macquebec.com. On va leur demander de nous envoyer... Ça a toujours un S. Oui, voilà. Ah. Oui, c'est une de mes lacunes de français. Donc, concours avec un S, @macquebec.com. Et ce qu'on veut, on va essayer de le mettre le plus clair possible, c'est une liste la plus exhaustive possible de tous les produits officiel de Apple, toutes les mentions officielles de Apple. Vous pouvez fouiller dans les vieux rapports de presse de Apple pour les mentions i quelque chose. Donc, on sait qu'Apple fait les iMac, les iPods, vous en avez déjà deux, mais il y a plein d'autres choses dans le monde, la sphère de Apple qui ont un nom i quelque chose. Donc, vous pouvez aller fouiller dans les logiciels de Apple, iMac, iPad, iPod. iPod, par exemple, ce qu'on veut, c'est une mention. Tu sais, iPod, c'est un iPod. On vous le donne gratuitement. iPod mini, iPod nano. C'est pas iPod Touch puis iPod classique. C'est pas. On le prendra pas. Donc, iPod, de toute façon, on vous le donne gratuitement. Mais mettez-le dans votre liste quand même. On veut vraiment le plus de mots possible. Donc, faites vos recherches, vérifiez ça. Et la personne en fait qui m'a donné l'idée du concours, qui est Pascal Beausoleil, de rechercher sa TVA à Québec, nous a dit que lui en avait trouvé une trentaine. Donc, ça va être le juge. C'est une firme externe. C'est la firme Beausoleil qui va faire la vérification par rapport à sa propre liste à lui. Et puis, on va décerner en fait le prix de 30 $ de la coop informatique de l'UQAM à la personne qui en a eu le plus. Voilà. OK. Donc, on peut dire que c'est des appareils, mais aussi d'autres choses qui pourraient apparaître, par exemple, dans des sites web. Oui, bien, tu sais... Dans des URL. Dans un URL, dans un logiciel, là, tout ce qui s'appelle « I » quelque chose dans votre machine est accepté, puis le nom de la suite, puis... Puis tout ça, puis oui, les URL. Bon, M. Meller. On a Vincent. Jean-François a changé pas mal. je pense que Vincent, ça fait à peu près 48 heures qu'il n'a pas dormi, puis il voulait aller se coucher depuis à peu près 5 heures cet après-midi, qu'il nous a écrit, dit, hey, les gars, je suis trop crevé, je ne serai pas au podcast. Mais on sait aussi que Vincent a une machine à café. Oui, c'est ça, j'ai une belle machine expresso. Ouais, okay. J'en profite. Non, mais j'ai pas pris de café depuis ce matin, fait que je suis correct. J'ai dû replacer mon horloge biologique là, ces derniers jours. Fait que c'était un peu plus dur pour moi. Surtout que j'étais dans du développement intensif, mais ça porte ses fruits, là. Vous devriez entendre bientôt. Vous allez voir un article bientôt sur MacQuébec, là. Très bientôt, je dirais. OK. Okay. T'as-tu des nouvelles? T'as-tu... Tu veux ben, pas je peux en pas parler... rien dire pour, les, pour l'instant, là, mais parce que je veux pas trop en dire, mais vous êtes très, très, très bientôt, vous allez en entendre parler. Excellent. Donc, j'allais te donc, demander... Donc, Madonna va être dans notre chat en même temps qu'à Québec et Montréal. Mais elle va charger quelque chose, par exemple. Ah, okay. Ouais, 250 piastres par personne, comme il faut. Oui, effectivement, très cher, Madonna. Oui. Ben, c'est un show un petit peu plus court. On a eu deux podcasts un petit peu plus courts, puis c'est un petit peu normal. Les gens se demandaient si on était encore en vie avec les problèmes techniques qu'on a eu au courant des dernières semaines. On s'excuse infiniment et on a trouvé le coupable. Et je suis allé asséner un sérieux coup de pelle à mon casque USB Plantronics qui prenait trop de jus sur mes ports USB et qui causait, en fait, les problèmes de doublement là, qu'on a eu. C'était insupportable. M'entendre une fois, c'est déjà borderline. Deux fois, c'était assez insupportable. Donc, on est très content que vous soyez encore là à nous écouter. Et comme les problèmes techniques sont réglés, on va revenir évidemment la semaine prochaine, puis la semaine d'après, et on va continuer comme ça. Puis on est déjà en train de travailler sur des trucs vraiment intéressants pour 2012, donc j'ai hâte de partager ça avec vous. Donc, messieurs, en fait, probablement, on va commencer avec Vincent, là, qui est venu faire sa plug. Là. Où c'est qu'on peut te trouver, toi? On peut me trouver sur Twitter à DEVVMiller, pour ceux qui sont dans le chatroom, on voit en dessous de ma caméra, ou par mon site web vmiller.ca. Donc, c'est ça. Excellent. Bernard, où est-ce qu'on peut On peut me trouver sur Twitter avec l'acronyme CBernard, Google+, également, plein d'autres endroits. Je trouve ça cool que tes parents aient pensé à t'appeler Bernard pour que tu puisses comme faire Cyber... Cybernard. Oui, Cybernard. Ça fait longtemps, hein, mais ça fait... Écoute, j'ai commencé sur des BBS à utiliser Cybernard. Il n'y avait même pas encore Internet. Puis quand j'ai commencé assez tôt Internet, j'ai toujours utilisé ça. Malheureusement, il y en a d'autres qui l'ont utilisé dans d'autres essais. pas toujours à ma satisfaction. Donc, je peux même pas avoir cybernardatmi.com en plus. T'es rentré à des places, ta réputation te précédait, puis t'aurais fait là, il y en a qui pensent que je fais toutes sortes de sites olé. C'est vrai? C'est pas moi. Oh, c'est pas cool, ça. c'est un cybernard en France. Ah, d'accord. Et Jean-François, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, on peut me retrouver sur Twitter à JFroy1979 et au même nom aussi sur Google+, MacQuébec, MacQuébec Entraide et c'est cela en gros. Excellent. Pour ma part, vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier sur Twitter et vous pouvez aussi me trouver sur MacQuébec dans la section « Services ». En fait, si vous avez besoin de quelqu'un en urgence à la maison pour réparer votre Mac ou vous expliquer une de ses fonctionnalités ou paramétrer un routeur sans fil que vous venez d'acheter. Quoique là, Apple les a rendus beaucoup plus simples à configurer. Donc, peut-être que vous aurez moins besoin de moi, mais tout de même, on est disponible à cet endroit-là. Alexis, t'as oublié de parler d'un certain site web. J'ai oublié de parler de Mac Québec Entraide? Non, pas Mac Québec Entraide. Ça commence par Alexis, ça finit par cornelier.com. Oui, mais le texte n'est toujours pas fait, mais effectivement, non, vous allez pouvoir me trouver. Ça, c'est pas ma faute. Vous allez pouvoir me trouver bientôt au alexiscornelier.com et le design est très, très beau. Ça a été fait par Vincent. Oh yeah. D'ailleurs, c'est le super beau. Site web. Fait que si vous arrivez sur le site et que vous trouvez ça beau, c'est de la faute à Vincent. Si vous lisez les textes et que c'est pourri, c'est de ma faute. Voilà. Ils suivront Alexis Inc. et Alexis Cornelier International. Oui. En fait, c'est Alexis Cornelier Corporation. Incorporation. Voilà. Merci, messieurs. Merci à tous ceux qui ont été là ce soir, une quinzaine de personnes. On n'a pas trop perdu d'auditoire malgré nos déboires. Mais ce soir, ça a bien été. Donc, je pense qu'on a vraiment trouvé le problème et on est prêt à continuer l'année 2012 de belle façon. Merci beaucoup à tout le monde. Parfait. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bonsoir.